regard fuyant aux réalités trop cruelles. Non par crainte mais par protection, je m'enferme dans mon virtuel. J'arbore solitaire votre monde étrange. Tu fais mal, accusant mes recherches. Entrer dans mon univers d'ange, où l'on rêve d'être. Seul dans mes plaintes, quand allez-vous apprendre? Je suis l'artiste, celui qu'on plaint, mais ne veut comprendre. Immobile.